Enseignement par le Vénérable Sayadaw ou Pandita Bivamsa. Centre de méditation Sakyamuni, mai 2000. Aujourd'hui, le Vénérable Sayadaw va conclure la série des enseignements qu'il a donnés à propos de la signification de Satipatthana. Étant donné que nous ne disposions que de quelques jours, il n'a pas été possible d'aborder ce sujet dans tous ses détails. Il a fallu présenter le sujet de façon abrégée. Le Vénérable Sayadaw a cependant le sentiment que quelques points essentiels de Satipatthana ont été compris par certains yogis ici présents. Certains méditants ont pratiqué avec effort, ils ont réussi à diriger correctement leur esprit vers l'objet, ils ont développé une bonne attention, une bonne concentration, ils ont réussi à observer et à noter les différents objets et ont pu dès lors présenter correctement leurs expériences au moment de l'entretien. Comme il s'agit du dernier enseignement de cette retraite, il sera un peu plus long que d'habitude et le Vénérable Sayadaw espère que vous aurez la patience d'écouter pendant 1 heure et demie. Selon les explications des Atthakatha, les sous-commentaires, Satipatthana doit être comprise comme étant okantitowa pawantati, ce qui veut dire que l'attention dont il est question ici doit être une attention qui pénètre l'objet, qui est établie fermement sur l'objet d'observation, sans interruption. Une telle attention n'est pas une attention ordinaire, c'est une attention extraordinaire. Il faudra également que cette attention ne soit pas dissipée. À chaque instant, elle doit rester fixée sur les différents objets. De cette façon, la concentration va se développer. Dans le Satipatthana Sutta, il n'est cependant pas fait mention de la concentration du samadhi qui va en résulter. Dans un des textes, cependant, il a été précisé que l'esprit qui n'est pas distrait, l'esprit unifié, concentré, awikebo, un tel esprit représente le samadhi. Un esprit qui n'est pas distrait élimine automatiquement les nivaranas, les empêchements. Et lorsque les empêchements ont été éliminés de l'esprit, on peut dire qu'il s'agit là de samatha. Concrètement, dans la pratique, il faudra donc tout d'abord diriger l'esprit vers l'objet. Petit à petit, ceci va se faire de plus en plus facilement et l'esprit va finalement tomber automatiquement sur l'objet d'attention. Par exemple, lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, le méditant dirige son esprit vers ce processus. Ceci aura pour conséquence qu'il sera capable de percevoir la nature de ce phénomène, c'est-à-dire la sensation de tension ou la raideur. De même, lorsqu'il observera le mouvement d'abaissement de l'abdomen, il va diriger son esprit vers ce processus et pourra comprendre sa véritable nature, c'est-à-dire la sensation de relaxation, de ramollissement, d'adoucissement. Le fait de diriger ainsi son esprit vers l'objet n'est rien d'autre que samasankappa, l'intention juste. Le fait de comprendre, de réaliser la nature du phénomène n'est rien d'autre que samaditi, la vue juste. La vue juste de la nature du phénomène n'est pas une connaissance qui viendrait de l'écoute d'un enseignement, d'une lecture. C'est une connaissance qui procède de la pratique elle-même. C'est une expérience personnelle. Ce type de connaissance, c'est samadhiti, la vue juste. L'esprit va donc frapper l'objet d'observation et s'y maintenir. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir à quel rythme il devra le faire. Doit-il le faire à l'instant même où l'objet se présente? Doit-il le faire rapidement ou très rapidement? Voyons tout d'abord le premier cas. L'esprit pénètre l'objet lentement. Ceci n'est pas la bonne méthode. Dans les Écritures, en effet, il est spécifié que cette attention, cet esprit qui observe, doit posséder la qualité de pakanditowa pawatati. Pakanditowa veut dire se précipiter, foncer, courir vers l'objet. Un esprit qui se précipite sur l'objet d'attention devra le faire avec force, avec vitesse et avec violence. Telle est la signification de ce mot « courir vers », »,« se précipiter sur l'objet d'attention ». Si l'on reprend tout ce qui a été dit jusqu'à présent à propos de l'attention, on peut voir que sati est une attention qui note et observe un objet particulier, qui pénètre cet objet et s'y maintient. Cette attention n'est pas ordinaire, c'est une attention extraordinaire qui est maintenue très fermement sur l'objet. L'attention ne pourra vraiment rester fixée sur l'objet que si elle possède toutes ses qualités. Pour que l'attention puisse se précipiter sur l'objet avec force et à grande vitesse, il faudra qu'elle soit aidée par d'autres facteurs mentaux. Tout d'abord, viriya, l'effort. Il faudra également que l'esprit soit vif, éveillé et alerte. Si au moment où il fournit l'effort, le méditant se sent éveillé, vif et alerte, son attention va pouvoir se précipiter sur l'objet avec force et à grande vitesse. Mais si l'effort viriya est trop intense, l'objet sera comme dépassé. Si l'effort est trop faible, l'objet ne sera pas atteint. Il faudra donc équilibrer l'effort de façon à ce que l'esprit atteigne la cible. Le facteur mental qui va permettre cet équilibrage de l'effort s'appelle yoniso manasikara, l'attention sage, la réflexion sage. Avec l'aide de yoniso manasikara, il sera possible de doser correctement l'effort. Lorsque sati, l'attention, est aidée de viriya, l'effort, et de yoniso manasikara, le facteur mental qui permet de doser cet effort, elle peut se précipiter, foncer sur l'objet d'attention avec force et à grande vitesse. Cette attention va rester fixée sur l'objet, va s'établir fermement sur cet objet. La fonction de yoniso manasikara est d'assurer que l'esprit soit correctement dirigé vers l'objet et l'atteigne. On peut l'exprimer autrement et dire que le rôle, la fonction de yoniso manasikara est de diriger constamment l'esprit vers les objets d'attention qui se présentent à chaque instant. Le terme pali, pakandana, signifie que l'esprit doit donc se diriger rapidement, foncer vers l'objet, avec force et à grande vitesse. Et il doit le faire sans hésitation. Ceci est de toute première importance. L'esprit doit foncer, se précipiter sur l'objet sans hésitation. Lorsque le mouvement de soulèvement se manifeste, l'esprit doit se précipiter sur ce mouvement de soulèvement, il doit l'atteindre. Lorsque le mouvement d'abaissement se produit, à l'instant même où il se produit, l'esprit doit se précipiter immédiatement, sans délai, sur cet objet et l'atteindre. Ceci doit se produire également lorsque, pendant la marche, le mouvement d'élévation du pied a lieu, le mouvement d'avancement du pied a lieu et le mouvement d'abaissement du pied a lieu. Dès que ces mouvements se produisent, à l'instant même où ils se produisent, l'esprit doit immédiatement se précipiter sur ces objets, sans hésitation, sans délai. Et lorsqu'il se précipite ainsi sur les différents objets, l'esprit doit recevoir l'aide d'autres forces mentales, comme par exemple Sadda, la foi, la confiance, Viriya, l'énergie. Lorsqu'il va donc ainsi se précipiter sur l'objet, il n'y a aucune place pour la pensée, aucune place pour l'imagination. Si le méditant pense ou imagine, l'objet sera déjà apparu et il sera trop tard. Il n'y a aucune place pour la pensée. Aucun commentaire ne peut avoir lieu, comme par exemple, quel est cet objet qui se présente, pourquoi, comment, etc. Dès que l'objet se manifeste, l'esprit doit, sans délai, se précipiter vers cet objet. Il doit le faire entièrement, sans penser. Le terme pakandana contient toutes ces nuances. Focalisation rapide sur l'objet, absence d'hésitation, absence de pensée, d'imagination. Dès qu'un objet se présente, l'esprit doit se précipiter dessus, sans hésitation, très rapidement, sans penser, sans imaginer. Cette attention ne peut être qualifiée d'extraordinaire et de ferme que si elle possède toutes ses caractéristiques. Le terme pakandana a encore une autre signification. L'esprit devra capturer l'objet, l'attaquer. Dès qu'un objet d'attention se manifeste, l'esprit se précipite vers cet objet, essaye de le capturer, elle l'attaque. Si l'attaque n'est pas soudaine, l'objet ne sera pas capturé, ne sera pas atteint, et en conséquence, le méditant ne réalisera pas la nature de ce phénomène. Ne pas connaître la nature du phénomène, c'est être ignorant. En présence de l'ignorance, les impuretés mentales, essentiellement le désir avide et l'aversion ou la méchanceté, vont se manifester. Pourquoi ces impuretés mentales se manifestent-elles? Parce que l'objet n'a pas été attaqué à l'instant même où il s'est présenté. L'objet n'a pas été capturé dans l'instant présent. Les joueurs de football doivent se précipiter sur la balle dès qu'elle se présente. Ils doivent le faire sans délai, immédiatement. Ils doivent se précipiter sur cette balle s'ils veulent la capturer. C'est la même chose en méditation. Dès qu'un objet d'attention se présente, l'esprit doit se précipiter, attaquer cet objet, Il doit essayer de le capturer. L'attention doit nécessairement avoir cette qualité d'attaquer l'objet dès qu'il se présente, si on veut la qualifier d'extraordinaire et de ferme. Elle sera alors de bonne qualité. Si l'attention n'attaque pas l'objet dès qu'il se présente, elle sera médiocre. Le terme pakandana a encore une autre connotation. L'esprit va donc se précipiter vers l'objet et il va le faire à la façon d'une foule qui se précipiterait vers les portes d'un stade ou comme le vent qui s'engouffrerait dans un espace. Lorsque les mouvements de soulèvement et d'abaissement se manifestent, le méditant doit se précipiter immédiatement sur ses objets et cette attaque de l'objet doit se faire à la façon de l'air qui s'engouffre dans un espace. Et ceci devra se faire pour tous les objets au moment précis où ils vont se manifester. Lorsqu'on fait un travail important, il ne convient pas de se laisser distraire par d'autres choses. On se concentre exclusivement sur ce travail. Lorsqu'on médite, il faudra noter et observer les différents objets. L'esprit doit se précipiter vers ces différents objets alors qu'ils sont encore chauds et frais. Un méditant qui a bien compris la méthode, qui a confiance dans cette méthode, qui a chanda, le désir de pratiquer, disposera très naturellement de cet esprit capable de se précipiter sur les différents objets. Si ces facteurs favorables sont présents, l'esprit va se précipiter avec force sur l'objet d'attention. Telle est la signification de Pakanditowa Pawantati. Lorsque l'attention sera devenue puissante, l'esprit qui observe va recouvrir complètement l'objet d'attention. Le fait de recouvrir ainsi l'objet d'attention peut être comparé à la couverture que l'on disposerait sur le lit et qui le recouvrirait complètement. L'attention doit donc être étalée, recouvrir complètement l'objet. Si elle recouvre entièrement l'objet, les impuretés mentales, les kilesas, n'ont aucune chance de pénétrer. Le courant de conscience est ainsi protégé par l'attention vigilante. Lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, l'attention vigilante protège l'esprit. Lorsque le mouvement d'abaissement a lieu, l'attention vigilante protège l'esprit. Un esprit qui est protégé de cette façon va amener la sécurité. Un méditant qui se trouve ainsi en sécurité sera protégé contre l'intrusion des impuretés. Sa méditation ne sera pas perturbée. S'il n'est pas perturbé, il pourra expérimenter la paix en ce sens que les ennemis ne se présentent plus. Plus le méditant expérimente la paix, plus il se sent heureux. Un méditant qui note correctement sera donc heureux de pratiquer. Il trouvera satisfaction dans la pratique. Aujourd'hui, au cours de l'entretien, un méditant a expliqué qu'il était capable d'observer et de noter les différents objets correctement. Il était capable de les recouvrir entièrement. Il se sentait protégé et au moment où il expliquait tout cela, son visage exprimait la joie. Lorsque l'attention possède donc cette qualité qui consiste à recouvrir entièrement l'objet, elle peut être qualifiée d'extraordinaire, de ferme. Toutes ces explications qui viennent de vous être données sont conformes aux Écritures et le vénérable Sayadaw les a chaque fois mises en parallèle avec la pratique. L'essence de l'attention, c'est donc d'être fermement établi sur l'objet, mais si on l'analyse du point de vue de ces objets, elle est quadruple. Il y a quatre bases pour cette attention. Lorsque cette attention ferme et constante porte sur le corps, c'est-à-dire sur les phénomènes physiques, nous avons Kaya Nupassana Satipatthana. La contemplation bien établie sur les phénomènes physiques. Lorsqu'il y a contemplation ferme et constante sur les sensations agréables, désagréables et neutres, nous avons Vedana Nupassana Satipatthana. Lorsqu'il y a attention ferme et constante sur les pensées, les réflexions, nous avons Citta Nupassana Satipatthana. Et lorsqu'il y a l'attention ferme et constante sur les activités générales, nous avons Dhamma Nupassana Satipatthana. Du point de vue de l'objet d'attention, il y a donc quatre fondements pour l'attention, quatre établissements pour l'attention. Il y a plusieurs causes à l'attention ferme et constante. Les causes les plus immédiates sont tout d'abord l'attention elle-même. L'attention répétée aux différents objets mène à l'attention. La deuxième cause immédiate pour l'attention s'appelle en pali Tira Sanya Paratana, c'est-à-dire une forte perception. Sanya veut dire perception. Quel que soit l'objet qui va se manifester, le mouvement de soulèvement de l'abdomen, le mouvement d'abaissement de l'abdomen ou tout autre objet, ils devront être enregistrés. Un appareil enregistreur ne fait pas de sélection. Il enregistre tout ce qui se manifeste. C'est de la même façon que le méditant devra procéder lorsqu'il note les différents objets. Il devra être capable de percevoir clairement les différents objets. Si la perception est forte, l'attention sera forte également. La cause immédiate pour l'attention, c'est donc qu'un moment d'attention soit fermement relié au moment d'attention qui suit. Ceci, c'est la première cause immédiate. Et la deuxième cause immédiate, c'est qu'il y ait une bonne perception de l'objet qui se présente, quel qu'il soit. Si la perception est claire, l'attention va se manifester. Si l'attention est maintenue de façon très ferme et constante sur les différents objets au moment précis où ils se manifestent, Kanika Samadhi, la concentration momentanée, va se développer et la nature de ces différents objets va devenir très claire. Les 8 facteurs de l'octuple sentier sont automatiquement pratiqués au moment où le méditant observe. Lorsque nous fournissons l'effort d'envoyer l'esprit vers l'objet, c'est l'effort juste, c'est Samavayama. Avec l'effort juste, les impuretés mentales ne peuvent pas pénétrer dans l'esprit. Et l'attention juste va pouvoir se développer, Samasati. C'est l'attention très ferme. L'attention qui est maintenue sur les différents objets va amener le calme et l'unification de l'esprit. Sama Samadhi, la concentration juste. Ces trois premiers facteurs, effort juste, attention juste et concentration juste, forment le groupe de la concentration Samadhi Kanda. On parle également de Samadhi Sikha, l'entraînement à la concentration. Ce groupe de la concentration va permettre de surmonter ce que l'on appelle les Paryutana Kilesa, les impuretés mentales de type obsessionnel. Et lorsque l'esprit note correctement les différents objets, autrement dit, lorsque la conscience attentive et l'objet coïncident, Sama Sankappa, l'intention juste, un autre facteur de l'octuple sentier, se manifeste. Lorsque l'intention juste est présente, le méditant va réaliser la véritable nature de l'objet. C'est Samadhiti, la vue juste. Samasankappa et Samadhiti, l'intention juste et la vue juste, forment le groupe de la sagesse Panyakanda. Ce groupe de Panyakanda va permettre de surmonter les dispositions latentes, les impuretés latentes en nous, appelées les Anusaya Kilesa. À chaque moment d'attention, le groupe de la moralité est également présent. Lorsque nous nous engageons dans la pratique, nous prenons les préceptes moraux. Nous pratiquons la parole juste, Sama Vacha, l'action juste, Sama Kamanta, et les moyens d'existence juste, Sama Ajiva. Ces trois facteurs forment le groupe de Sila, Sila Kanda. Ce groupe de la moralité va nous permettre de surmonter les impuretés de type transgressif, les impuretés les plus grossières. Nous pouvons donc dire que le groupe de la moralité nous permet d'éviter de transgresser les préceptes et nous protège donc contre les impuretés les plus grossières. Le groupe de Samadhi, le groupe de la concentration, nous permet de surmonter les impuretés de type obsessionnel, appelé les Paryutana Kilesa. Et le groupe de la sagesse, Panyakanda, nous permet de surmonter les dispositions latentes, les Anusaya Kilesa. Lorsque les impuretés auront été surmontées à ces trois niveaux, l'esprit devient raffiné, cultivé, aimable, développé. Ce Dhamma a donc la capacité de réformer l'esprit et de réformer la vie. Ce Dhamma amène un changement au niveau de la vie. Il influence positivement la vie. Satipatthana détient ce pouvoir. Le temps s'est écoulé et le vénérable Sayado aimerait conclure cet enseignement en souhaitant aux yogis ici présents de pratiquer Satipatthana en développant Sila, la moralité, Samadhi, la concentration et Panya, la sagesse, et de surmonter ainsi les impuretés de type transgressif, les impuretés de type obsessionnel et les impuretés de type latent, puissent-ils arriver à transformer leur vie et à en améliorer de plus en plus la qualité. Sadhu, sadhu, sadhu.